Salut tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode de La Jazette propulsé par Yonk Media. Mon nom est Jean-François Cromp et avec moi au micro aujourd'hui, David Thibodeau. Et on a un invité pour cet épisode numéro 2. On a un invité, Alexandre Cromp. Bonjour. Bonjour. On va revenir à toi dans quelques instants, Alex. Stay tuned. Mais donc, ouais, La Jazette propulsée par Yonk Media. Spécial voyage. Aujourd'hui, c'est un spécial voyage qu'on fait. Ben oui. On va parler de voyage avec Alexandre, grand voyageur dans l'absolu qui revient de voyage en Asie de 2 mois et demi. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait la déduction encore, c'est mon frère. Ah, oh, hey! Hey! Wow! Tu sais, des crampes, il n'y en a pas beaucoup, ça a l'air. C'est fou. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Hey, comme vous avez pu remarquer, on a un nouveau thème musical, c'est notre thème officiel. Donc, ouais. Merci à Martin Veyraud de nous avoir fait encore merci Marc. Un thème incroyable. Marc, que vous pouvez retrouver sur Twitter, sur DMV0480. Si vous avez des podcasts, que vous avez besoin de musique, je suis sûr qu'il va se faire plaisir de vous faire ça. Puis, dites-y que vous écoutez La Jazette et obtenez 10% de rabais. Martin à la chevelure bouclée. Ouais. J'en ai pas parlé, je suis sûr qu'il va être bien content que je dise ça. Ah, oh, ouais. Hey, 10% de rabais en plus, c'est pas n'importe quoi. Là. Ah non, on parle. Fait, là. C'est ça, là. C'est professionnel. Ah, mais donc, avant de commencer ce spécial voyage, on va y aller de la question qu'on aime se poser tout de go. Ouais, on jase, là. Hein? L'expression d'ailleurs à la mode de ce temps-ci des podcasts cette semaine, tout de go. David, quoi de neuf? Quoi de neuf? Hey, maudit. Pendant que je me prends une petite gorgée, là. Une petite gorgée avant que je te réponde. Ben écoute, quoi de neuf, hein? Quoi de neuf dans ton cas? On sait que t'allais faire 21h42, pendant oui. que moi j'allais faire des photos. Bon, oui. Pas le même intérêt. Hein? Non, c'est ça, mais... Mais bon. Que dire? Bah, ben, moi dans mon cas, c'était quelque chose, là. Ouais, spectacle de danse dans un auditorium de secondaire avec... Faut pas déranger la foule, une caméra dans le fond qui filme le spectacle. D'ailleurs, caméra qui filmait un angle et qui a fait quand même beaucoup de ventes de DVD. À 30$ le DVD, environ... bon, à peu près 75 DVD faciles. Ça fait chier, ça. Ben, quand tu sais qu'il va faire juste un angle, c'est plate, là, tu sais. C'est ordinaire, c'est pour un show. J'aurais fait, moi, pour 2 angles. Là, surtout à ce prix-là, il me semble que, en tout cas... Ben, en tout cas, c'est ça qui est ça. Ouais, c'est ça qui est ça. Mais en tout cas, accroupi, puis conditions pas idéales, éclairage pour le public, pas pour la caméra. Fait qu'aujourd'hui, t'es magané, là, tu ressens ton âge. J'ai mal des jambes, des pieds. C'est plus en forme, c'est vieux, là. Mal des reins. Ouais. Mal des reins, aussi. Mal des reins. Comme un mal des reins. Mal des reins. J'ai rien cru. Cette condition, les reins creux, là, écoute. Ah. Mais ouais, donc on peut dire que Yonk Media aussi s'est associé avec 21h42 pour filmer leur sketch pour la prochaine saison. Ben ouais. C'est... Il y a du bon stock, je te dirais, à date, là, ça devrait être assez hilarant. Ben, hâte de voir ça. Des gags assez épiques qui ont été tournés hier avec Sylvain Marcoux, Jonathan Laberge, il y avait Dan Delhomme, Guillaume et puis Gab Lucier, je pense, ou Gab Dancos, excuse-moi, de Bébite. Là. Ok, ouais. C'était, ouais, des bons sketchs. Cool. Ouais. Cool. Ils vont en avoir d'autres. Ouais, ça va. C'est pas la fin des tournages. C'est pour. Je pense que leur saison numéro 3, je pense, sont rendus. Ça va être pour l'automne. Donc. L'automne, c'est encore loin. Ouais, c'est ça. On prend de l'avance. Il y a du temps. Il y a du temps pour faire des belles choses. Et des choses complètement stupides, c'est surtout. C'est pas avoir des projets quand il y a du temps. Ouais. De pas être garoché, c'est ça. C'est pas arrivé comme. Hey, on a besoin de ça pour demain. Ah, d'accord. C'est arrivé trop souvent, ça. Ouais. Ouais. On veut un vidéoclip, mais il faut que vous montez ça en un mois. Mais tu sais, on ne travaillait pas là-dessus à temps plein. Là, mais justement, parlant de nos projets, je parlais avec Guillaume de Bébite. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passait avec les hommes cellophane. As-tu des nouvelles sur eux autres? Toi? Non. On a fait leur vidéoclip, puis j'ai pas eu de nouvelles après ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, je sais pas. Ils font encore des shows? Ou... Je sais pas. Ben ouais, j'ai vu sur Facebook qu'ils avaient fait un show. Mais j'ai pas eu bien de nouvelles, sinon je le vois plus vraiment. C'est dommage. Ouais. Il est supposé faire un autre vidéoclip avec un concept en tête, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cela? Qu'est-ce qu'il en est sorti de la bouche à Alexandre, par exemple? Ça, on le sait pas mal. Il était timide. Il était un petit coquet. Ben écoute. Je l'ai glissé comme ça. Il nous a surpris. Ben bon, je pense qu'on va embarquer bientôt dans le vif du sujet, mais avant ça, on va y aller avec... la réponse du public, on a posé une question cette semaine avant le podcast. On savait qu'on allait faire un spécial voyage, donc on a demandé aux gens parlez-nous des voyages ou qu'est-ce que vous voulez nous entendre parler par rapport au voyage. Et on a eu une réponse et c'était Papa Cassette, donc Dominique Bourret de Rétro Nouveau, qui veut qu'on parle du hockey. Qui voulait qu'on parle de hockey. Et as-tu compris le concept? Je pense qu'il a été un petit peu mélangé. Ça, ça va venir au mois d'octobre prochain. Là, on n'est pas encore prêt ni installé pour être quatre, faire... Là, au moins, c'était une réponse quand même. Là. Au moins, on a eu une réponse. C'est honnête, là. C'est ça. On va parler éventuellement de hockey à quatre personnes. Là, faut dire qu'on est sur un micro Rock Band. On pourrait parler de voyage incluant le hockey. Faire un voyage pour aller voir du hockey. Ben, il y a le championnat du monde, championnat du monde en Suède et en Finlande. Ouais. Qui se déroule la semaine prochaine. Ben, ça donne le goût. C'est ça qu'il voulait parler. Allons-y, appelez dans les agences de... Appelez dans les agences de voyage, mentionnez la jasette et obtenez 10% de rabais. Obtenez 10% de rabais sur un voyage en Finlande et en Suède. Voir des Suédoises. Une petite Suédoise. Ouais, donc c'est ça. Le hockey, ça va être un segment qui va être récurrent. Ça sera pas un spécial hockey. On va vraiment faire probablement une fois par mois qu'on se disait peut-être des émissions de hockey. On va être souvent quatre personnes autour d'une table. On va jaser petit de débat. Hockey. Petit débat, petite antichambre. Cocasse et petit correct burgi. Correct burgi. Ça va de la bière. Ben, toujours. Non, pas dans le spécial hockey. Yes. C'est un peu le concept de base du show. Non. Non? Non, non, non. Bon, ben. Je sais pas de quoi tu parles. Après cette pas de réponse du public, je pense qu'on va y aller. Bon, mais on va se laisser une chance. Là. C'était quand même le premier épisode. Là. Oh, le monde va embarquer. On commence, là. On veut que vous nous parliez. On veut jaser avec vous. Jasez-nous. Là. Sur notre compte Twitter, venez, La Jasette. Venez nous dire que vous voulez participer à notre émission pour jaser de rien. C'est ça. On part. Jaser. Alors, spécial voyage. Donc, on a un invité aujourd'hui, Alexandre Crombe, qui, comme je disais tantôt, revient d'un long voyage de 2 mois et demi avec un de ses chums en backpack, on peut dire, en Asie. Oui, exactement. T'as débarqué en Thaïlande. J'ai commencé mon voyage en Thaïlande, mais pas en Thaïlande, c'est pas vrai, j'ai dit n'importe quoi. je vous ai tous eu. J'ai commencé ça au Vietnam. Je suis atterri à Ho Chi Minhville, anciennement Saigon, pour la vieille école. Ho Chi Minhville? Oui. Wow! Ça, fait cocasse. Ville? Ouais, ben Ho Chi Minh City, si tu veux, en anglais. Mais fait cocasse sur cette ville-là. Durant la guerre du Vietnam, Ho Chi Minh, c'est un grand libérateur du Vietnam, puis il était selon la mentalité du nord du Vietnam. Puis Ho Chi Minh City, c'est dans le sud du Vietnam. Tu sais, on le sait que le nord et le sud du Vietnam avaient deux mentalités complètement différentes, capitaliste et communiste. Puis. Anciennement, la capitale c'était Hue dans le centre du Vietnam, puis ils ont rebaptisé la ville de Saigon dans le sud du Vietnam en l'honneur d'Ho Chi Minh. Mais le sud du Vietnam détestait Ho Chi Minh, c'était pas un libérateur du tout pour eux, c'était comme l'ennemi, c'était complètement différent. Puis c'est comme un gros diss pour le sud du Vietnam que le nord a fait pour dire, ben, tu sais, dans votre face, là. Dans votre face, puis tu sais, conformez-vous à cette heure parce que c'est Ho Chi Minh City. Wow. Donc, petite parenthèse, fin de l'aparté. fin de l'aparté. Ben oui, c'est ça. On a commencé ça au sud du Vietnam pour ensuite monter tout le long du Vietnam jusqu'à. ultimement jusqu'à Hanoï. Hanoï. Nous avons traversé vers le Laos et ensuite on a terminé notre voyage en Thaïlande. C'est un gros résumé qui a duré 2 mois et demi. Plein de péripéties, on va pas en parler plus longuement. Mais on disait grand voyageur en début de chose parce que t'as été faire aussi l'année passée, je pense, un voyage de 2 ans. Oui, faute de budget l'année passée. Faute de budget. 1 mois et demi dans les Europes. En fait, 2 mois. C'était 2 mois en Europe. 2 mois en Europe? Ouais. Avec sac à dos tout seul cette fois-là. Ouais, je suis parti seul. J'étais parti seul. Et oui, 2 mois. J'ai fait 8 pays en Europe. C'est quand même, on parle de quand même quelque chose, un grand voyageur quand même. Là. C'est quand même pas mal. Là. Le gars, il connaît son stock. Là. 8 pays. Comme? J'ai vu neiger. T'as vu neiger? J'ai... Pas en Europe. Non? Au Québec. Ah, ben pas en Asie non plus, j'imagine. Non, c'est assez chaud. Mais j'ai fait la France, l'Allemagne, Pologne, République tchèque, Autriche, Hongrie, Italie, Espagne. Intéressant. La diversité. Oui. Hey. Tandis que nous autres, on a fait genre Canada, États-Unis, Mexique et Cuba. C'est à peu près ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Quoique, on peut le dire qu'on a quand même voyagé chacun de notre bord pas mal. Là. On a tous. En plus, ce qui est le fun, c'est qu'on a même voyagé les trois ensemble. Là. Ben oui. Ouais. On est allé à Banff. Ça n'a pas été long, mais c'était quand même un voyage de. 6 jours. 6 jours de ski assez palpitant. Petite semaine de snowboard à Sunshine dans le backdoor. Ben oui. Backdoor. Incroyable. C'est quand même bizarre. Là. Backdoor. Le backdoor de la montagne. Oui. Cette salope. Ils ont son cul, cette montagne. On devrait jaser avec notre invité de son voyage en Asie, là, je pense. C'est ce qui est intéressant pour débuter le show. Ça va peut-être nous mettre dans l'ambiance de voyage. Là. Fait que on va peut-être y aller. Comment on pourrait procéder? Peut-être par ville que tu étais allé ou par coin. On pourrait y aller avec des anecdotes que tu as eues, des choses que tu as à dire sur ton voyage. Là, à brûle pour point comme ça. Vous me prenez au dépourvu, les mais c'est un show bien préparé. Ben oui, c'est ah ouais, ça. Ben là. Non, mais tu sais, dis-toi qu'on mange une petite fondue, là. Ouais, fais comme ça, on mange une petite fondue avec du vin, là. On mange une petite fondue, là, puis on boit du vin, là. Puis... Mais c'est de la bière. Ton jase, là. Puis on mange pas de fondue. On parle devant des micros. OK. Ben, je sais pas vraiment quoi vous dire, là. J'ai commencé t'as commencé, t'es allé à... Vietnam. Oui, ben en fait, si je pourrais vous décrire le Vietnam... C'était le pays le plus dépaysant et de loin. Ah ouais? Ouais. La culture... en fait, le Vietnam est vraiment pas habitué à recevoir des touristes. Pas mal moins que la Thaïlande. La Thaïlande, ça fait des années que le tourisme roule. Puis eux, ils connaissent ça, les touristes. Des Blancs, ils en ont... Des Blancs, ils en ont bu beaucoup. Au Vietnam, un peu moins. T'aurais pu dire des Blancs, ils en ont bu beaucoup. Ouais. Ouais, aussi. Mais, je vous dirais que dans le sud du Vietnam, les gens sont plus sympathiques que dans le nord. Car, tout comme la température, les gens sont plus froids au nord. Mais. Colique. tu peux te lousser à la gueule si tu veux, ça dérange pas. Ah non, mais. on n'est pas à découverte ici. non, mais c'est ça. Dans le sud, les gens sont un petit peu plus sympathiques, plus souriants. Ils doivent être plus habitués à avoir des touristes parce qu'il fait plus chaud, puis il y a des plages dans le sud de la Thaïlande. Thaïlande? Oh, je l'aime ça. Vietnam? Je mélange beaucoup. Vietnam, je parle du Vietnam. T'as fini en Thaïlande, c'est pour ça que t'as la Thaïlande frais dans la mémoire. Mais tu sais, t'as des places qui a-tu des répercussions de guerre? Il y a eu une grosse guerre au Vietnam, là. Oui, ben, à Saigon, à Ho Chi Minh, il y a un musée de la guerre, puis on voit toutes des images de la guerre du Vietnam. C'est des abominations, là. C'est effrayant, là, ce qui s'est passé là-bas. Ils ont essayé plein de produits. Je me souviens pas exactement de... Je me souviens pas exactement de tous les produits qui ont essayé là-bas, mais c'est quoi donc? Pas la préparation H, mais c'est quoi? Le facteur, en tout cas, quelque chose. Vous arrivez sur Google, man, préparation. Si vous êtes sûr d'intéresser, allez sur Google, tapez facteur quelque chose, préparation H. Ouais, non, mais... mais c'est quoi? C'est... C'était comme un produit chimique qui ça décollissait tout le corps, là, ça arrachait la peau, puis les gens étaient rendus des mutants. Là, c'était pire que de... Que Tchernobyl. Dans le fond, si tu mets ça en préparation H, t'auras plus des marouilles. Ouais, c'est peut-être ça l'histoire de la préparation H. Ça a commencé au Vietnam. Ça. C'est juste qu'il y en a trop omis eux autres, puis ça a tout attaqué au complet. Ouais, c'est ça. Mais... Ça en mettait pas juste à une place bien précise. Ça en mettait partout sur le corps. Là. Mais bon, ils ont. Aspergent. Ouais. Hey, hein? Vietnam, préparation H. Ouais, on fait des bons liens. Ça a bien de l'allure. Ça va bien, dis-toi. Mais à 2 heures d'Ho Chi Minh, il y a une ville qui s'appelle Kuchi. C'est réputé pour les tunnels de Kuchi. Tu sais, toutes les Viet Cong. Mm-hmm. On connaît les Viet Cong, ces fameux guerriers vietnamiens. eux, il y avait des tunnels là-bas. Puis c'était, j'ai essayé les tunnels, j'ai rampé dans les tunnels des Viet Cong. Puis c'est petit, c'est frais. Ah, c'est petit, ouais. Les autres sont petits en plus. Là, mais ils ont agrandi en plus pour les touristes. Parce qu'il y a des tunnels qui sont fermés, là, qui c'est comme des... C'est trop dangereux. C'est historique, tu sais, qui garde ça. Ah, ok, ouais. Mais. Il y a sûrement des ossements, là. Probablement. Mais il y en a qui ont gardé pour les touristes. Puis on a marché, c'est rampé pendant 10 minutes dans le noir, dans ces tunnels-là. Là, puis c'est. Je peux pas me lever, là, tu sais. Je suis pas tant grand que ça, mais j'étais à genoux, puis je me pétais le dos, je me rappelle le dos, c'est le top. Et tu vois rien? Tu vois à peine, il y a une lanterne au 10 mètres. Là. C'est une lanterne, puis il y a l'ampoule. Elle fait dur, là, à la phobie, mais... Puis comparé, mettons, avec... t'es allé en France, t'avais été dans, je pense, pas les égouts de Paris ou les catacombes, quelque chose? Ouais, j'ai vu les catacombes de Paris, mais c'est très différent. Les catacombes, c'est juste des ossements, parce que aux catacombes de Paris, anciennement, il y avait... les cimetières étaient pleins, puis ça débordait, puis il paraît que ça puait, tu sais, c'était effrayant. Il y avait plus d'espace pour mettre les morts. Puis ils ont décidé de tout sortir les cimetières, tous les corps, les ossements, ils ont tout mis ça dans le souterrain de Paris. Puis ça, c'est des ossements là, à pu finir. Là. Tu marches pendant 1 heure, puis c'est juste des ossements classés, cordés comme si c'était des cordes de bois. Là. Mais ça, c'est différent. C'est une ambiance qui est... C'est plus touristique. Puis il n'y a pas eu tu sais, de pas une massacre là, c'est pas, ouais, ouais. Pas si effrayant que ça. Vietnam, pas tu sois claustrophobe pour être là-dedans, j'imagine. Ouais, non, là. C'est ça. Si tu paniques, tu peux pas sortir, là, non, j'imagine, en plein milieu. Tu peux pas te revirer, c'est impossible, c'est tellement petit. Moi, je suis pas claustrophobe, puis à un moment donné, après 10 minutes, j'étais tanné, là. Il fait chaud, là, il fait 35 degrés là-dedans, là, tant que tu suis ton corps. Ça va être humide, en plus, c'est dans la terre, là. Ouais, c'est dans... Bon, en tout cas, mais c'est le fun, là, c'est le fun à faire. Puis j'ai pu essayer un AK-47. Ouais, on a vu, c'est la première photo que t'as envoyée sur Facebook. Ah, c'est écœurant, ça. Il y a un champ de tir, puis tu peux essayer du AK-47, du M16, du machine gun. C'est un bon recoil, là, un bon... C'est pas super, je m'attendais à plus. Ouais. Je m'attendais à vraiment sentir dans l'épaule, mais... Non, non, le pire, c'est que tu essaies de viser, tu penses que tu vises comme du monde, mais dans le fond, tu vises genre 6 mètres en haut. Parce que quand tu tires, ça monte un peu. Ouais, ouais. Ça te recolle pas comme sous l'épaule, mais ça lève, ton gun lève. Fait que, ça, on a essayé ça, c'était le fun. Hein, c'est dur à être précis. Ah, c'est super dur. J'ai tiré. J'ai réussi à pogner une J'avais 5 balles à tirer. 5 balles, mais c'est automatique. Non, ouais, tu peux le faire automatique, mais tu peux tirer une shot. Là. Tu peux faire. Juste une balle à la fois. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est automatique d'habitude. Ben, si tu gardes ta gâchette, tu vides tes 10 balles en 3 secondes. Mais si tu pèses un coup, ça tire juste une balle? Ouais. Ah, ok, c'est pas payé ça. Puis, il y avait une grosse cible, là. C'était peut-être 2 mètres par 2 mètres, un gros carré de bois. Puis, je tirais tout le temps en haut. À chaque fois, j'ai commencé, je me dis, moi, viser le centre. Je tire comme 3 mètres en haut. Puis, c'est comme une grosse butte de sable. Fait que tu vois le sable pour voler. Là, je sais, bon, ça va descendre un petit peu. Là, je descends, je suis dans le bas. Moi, je pense que je suis dans le bas de la pancarte. Bang, je tiens encore 2 mètres en haut. C'est quoi cette affaire-là? Puis sur mes 5 balles, je n'ai pas une. Pas une. C'est que, mais c'est un gun qui. Il disait ça, les Viettes. Il dit que c'est un gun qui est super fiable. Il va jamais péter. Ouais, c'est parce que tu peux avoir ça dans le sable. Puis ça va pas s'enrayer jamais. Ouais, c'est pour ça que ces guns-là, encore aujourd'hui, pourtant ça a été fait il y a longtemps, mais encore aujourd'hui, ces guns-là sont encore utilisés parce que ça s'enraye pas. Le sable va pogner là-dedans, n'importe quoi, puis ils vont marcher. C'est des guns qui sont hyper fiables, sont moins précis, mais... Ouais, c'est ça. c'est des tout-terrains, là. Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas eu... Parce que ça coûtait cher, là. C'était... Ben, tu sais, ça peut paraître cher. C'est pas cher quand si tu relativises, puis tu le mets en canadien, mais là-bas, c'était 350 000 dongs. C'est 15$ pour 10 balles. OK, ouais. Mais 350 000 dongs, tu payes rien à 350 000 dongs. J'avais un repas pour 30 000 dongs avec une bière. Ça coûte à rien là-bas, là, nous autres. Une bière, c'est 20 000 dongs. Tabarouette, ok. Ouais. Tu vois, t'es arrivé là, t'étais riche. Multimillionnaire. Ben, il arrive là, il s'achète une maison. Je suis sûr que j'aurais pu. J'aurais pu avoir. Mais pas de char, parce qu'il n'y a pas de char là-bas, c'est tout des scooters. Mais... T'achètes un scooter. Ouais. Ouais, t'es loin un scooter, mais c'est pas là que t'es loin un scooter, je pense. Ouais, je pense que... Sur Vietnam, t'es loin un scooter aussi. À Mui Ne, c'est à 2h, non, à 6h de Saigon, au nord de Saigon. Il y a une belle plage là, c'est carrément. C'est une belle petite ville. J'imagine qu'avec les scooters, ça doit être différent qu'au Mexique, que tu loues un scooter puis tu te fais arrêter à chaque 10 mètres là, pour, parce que tu te fais frauder. Tout le monde mange jamais là-bas de toute façon. Tout le monde est en scooter. Ah, il m'a montré une vidéo là. Le monde. C'est n'importe quoi comment ça roule dans les rues en scooter. Là. Le monde, ils vont à sens inverse là, sur l'autoroute. Avec les scooters. Ouais, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas trop de circuit. Hey, c'est la police? Non. Il y a eu un contrôle policier quand j'étais à Mui Ne. Parce que c'est une ville qui est touristique. Puis il arrêtait le monde, les touristes, pour demander le permis international, permis de conduire international, mais personne là. Qui a ça un permis international de chauffer? C'est pas au Vietnam, il n'y a tellement pas de loi. Puis... En tout cas, tu lui donnais, je pense, 5$, puis c'était correct, tu passais. 5$. Ah, c'est que c'est. Ouais, c'est ça. Il y en avait en Thaïlande aussi. Un barrage, puis à Koh Phangan sur l'île du Full Moon Party, puis c'est super touristique. Fait que les autres, s'ils décident de faire un barrage, puis ils arrêtent tous les touristes qui n'ont pas de casque, qui n'ont pas de permis. Ils ça palette, c'est effrayant. Ouais, tu sais, c'est rien, là. Je pense que c'était 500 bahts, fait que c'est comme un petit peu moins que 10$. Puis non, attends, c'est pas vrai. Ça après, là. C'est ça. Mais non, c'était pas grand chose. Tu aimes ça avec mon micro? Non, je vais juste l'ajouter, je regarde ta voix à porter un petit peu à côté. Mais porte à gauche, tu sais. Ouais. Comme toi. Ouais, porte à gauche. je sais pas. J'ai pris un guess, j'avais 50-50, fait que j'étais arrivé. Si moi je porte à gauche, fait que tu es mon frère, tu va porter à gauche. Ah, peut-être. Mais je pense que il doit y avoir des statistiques là-dessus, moi qui porte. Mais je pense que la plupart des gens portent à gauche. Ouais. Eh ben. Je vais pas sonder personne pour faire ça, là, mais pour avancer ces chiffres-là, mais je pense que... On pourrait se faire un genre de sondage socio-pop culture dehors avec un micro. Vous portez de quel bord, monsieur? Ça serait écœurant, ça. Bon, vous portez de quel côté, monsieur? Moi, je porte à gauche. Je pense ça sur Twitter, là, ouais, donc. Là. Ouais. On fait ça live. La jasette, de quel côté portez-vous? On va bien. On parle du Vietnam, de la police, mais après ça, on porte à gauche. La jasette, anything goes. On revient. Est quick, on revient. On parlait de bat. Oui, on parlait de bat. 500 bat. Non, c'était peut-être plus, je me souviens, puis c'était combien? Parce que, anyway, c'était comme... La police qu'on a vu, donc. C'était même pas 10$, puis ils nous arrêtaient, parce que en Thaïlande, t'as le droit de pas avoir de casque, mais c'est comme toléré de pas avoir de casque, mais si t'en as pas, ils t'arrêtent. Mais il y a pas un chat qui a un casque. Ok, mais t'sais, ils t'arrêtent sur leur temps, mais ça veut pas dire qu'ils vont t'arrêter. Ouais, des petits blancs becs, là, tu te promènes avec podcast. Le nombre de police que j'ai croisé, là, podcast, puis t'sais, ils s'en foutent. Là. S'ils décident de faire un barrage, parce qu'ils ont besoin d'argent, t'sais. Ok, sinon ils t'arrêtent pas parce que. Ici, là, mettons. Ouais, mettons. Ou, plus d'après moi, l'argent, ça va dans leur poche, là, et non dans les poches de l'État. Ouais. Ouais, c'est leur quota personnel. Ouais, c'est ça. J'ai faim à soir, un petit filet mignon, ouais, donc. Mais ils nous arrêtaient. Ben, moi, je me suis pas arrêté. Je parlais à tout le monde qui s'en fait arrêter. Puis, ils t'arrêtaient. Ils disaient, t'as-tu ton permis international? T'as-tu ton casque? Puis là, non, évidemment. Puis là, ils te donnent un. Ils disent, ok, c'est tant. Je pense que c'est même pas 10$, là, c'est rien, 7$. Puis il donne un papier, comme quoi si tu te fais arrêter encore dans la même journée, puis t'as pas ton casque encore parce que t'en as pas, ben tu peux passer sans te faire arrêter, sans te payer l'amende. Tu sais, comme quoi ils s'en sacent tellement que t'as pas ton casque. Ils sont comme semi-civilisés, parce qu'il y a des places, là, genre des pays, je me suis déjà fait compter au Mexique, là, que tu te fais arrêter, là, puis s'ils te pognent un barrage de même, ou une police t'arrête, ils te font payer. Puis si une autre police t'arrête après, tu repays, là. Ah non, mais c'est toute la journée. Puis je connais du monde qui sont allés, puis ils se sont fait faire ça, là, une journée complète. Il y avait loin un char. Ouais. Ils se faisaient arrêter à chaque, genre, quasiment quelques kilomètres. Là. Ils faisaient une couple de kilomètres, ils se faisaient arrêter. Une couple d'autres kilomètres, ils se faisaient arrêter. Ouais. Puis ils payaient à chaque fois. Méchant racket, ça. Méchant racket. Ça prouve à quel point, tu sais, ta sécurité, ils s'en sacent tellement, tu sais. C'est juste l'argent. C'est juste faire l'argent. C'est juste l'argent, parce que, tu t'as pas ton casque, ok. Ok, c'est correct, donne-moi de l'argent, je te donne un papier, t'es même pas obligé de le remettre ton casque. Moi, je me dérange pas, tu me donnes ton argent. Ouais, c'est ça. Putain, je te donne un papier, pas que tu te fasses arrêter. Si tu te fais arrêter, ben tu sais, moi j'ai eu mon argent, fait que j'ai pas besoin de te faire arrêter deux fois. Fait que ça, c'est comme, tu sais quoi, il te donne un permis pour pas porter ton casque. Genre. C'est pas payé. Fait que dans le fond, tu le payes pour avoir un droit de pas te faire arrêter. De pas te faire arrêter. Ben, sans permis, il y a pas un maudit Thaïlandais avec un casque, là. J'en ai pas vu un. Les autres, ils font pas arrêter. Ils doivent t'es le plein d'argent, c'est pour ça que t'es le petit blanc là-bas. Oui. Là. Comme, hey, check les, lui, il doit avoir des millions de dongs puis plein de battes. Ouais. Puis une équipe. Ça, c'est en au Laos. Des équipes. Des équipes. Nice. Parce qu'après, t'es au Vietnam, t'es allé au Laos dans le fond. Ouais, exactement. Ouais, c'est un beau lien. Mais là, je vois que notre invité est à sec. Donc, oui. On jase. On va aller y refiler une bière puis on revient. On revient avec le Laos. Jase. Donc, on veut parler de Laos. Mais avant de parler de Laos, t'as peut-être une couple de petites anecdotes que t'as pensé en allant chercher cette petite bière. Oui, moi, la bière, ça m'inspire. oui. Petite anecdote sur le Vietnam. Ouais. En fait, à Nha Trang, c'est une île, c'est pas une île, c'est une ville côtière, une ville où il y a une belle plage, là, c'est écœurant. Il y a une... oui, j'ai perdu mon... oui. David, c'est quoi que t'essaies de faire, Dave? T'essaies de mettre le son de ta bière dans le micro. Il est pas assez bon, ce micro-là, pour ça. La bière te parle. Mais oui, Nha Trang, qui est une ville, un autre aparté, il y a de la bière au Vietnam. Qui coûte tellement pas cher, ça s'appelle la Bi Aoi. C'est une bière qui est brassée durant la nuit, puis qui est bonne juste pendant une journée. Parce qu'il n'y a pas d'agent de préservation là, dans la bière. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Wow. Puis celle-là, bon? Elle était carrément super bonne, elle est très légère, mais elle est tellement pas chère. Essayez de deviner combien ça coûte un verre de bière. Ben, parce que c'est en draft. En argent canadien, mettons. Ouais, en canadien. Bon, je vais dire 50 cents. Moi, je vais dire 12 cents. Ah, Chris, tu le sais. Tu me l'as dit. Ben ouais, c'est 12 cents la bière. Puis c'est 50 cents le pichet. J'avais raison dans un sens. Ben oui, parce que tu prends rien en bas d'un pichet rendu à ce point-là. Ouais, c'est ça. Tu prends un pichet. Non, non, tu prends pas autre chose qu'un pichet. Sinon, tu te fais fourrer. Sinon, ça vaut pas la peine. Fait que c'est ça. Puis fin de l'aparté. L'aparté. Ton île, ta ville côtière. Non, ouais, c'est ça. Nha Trang, c'est une ville avec une belle plage. Puis il y a tellement de touristes. Là. C'est la ville qui est le plus touristique au Vietnam. Puis les touristes qu'il y a là-bas, c'est. C'est la lime qui a revolé dans la corona. On continue. Oui. À Nha Trang, les touristes, c'est 90% de Russes. Puis les Russes, là. Ah ouais. Des Russes. Les Russes, là, des Russes de la Russie. Des blancs. Puis, ils ont toutes la même gueule, les Russes. Ouais. On les spottait là. Ils ont-tu la gueule de Dolph Lundgren dans Rocky 4? Ouais. Mais ils ont toutes une sale gueule. Ils ont-tu genre les cheveux blonds rasés ses côtés? Eh oui, ils sont tous de même. Ils sont tous pareils. Ils ont tous des speedos. Tu sais, c'est. Qu'est-ce que tu fais sans speedo? Come on. Wake up là. Ils sont tous en speedo. Ils sont tous déplaisants. Ils savent pas vivre, les Russes. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je suis pas raciste à rien, là, mais de ce que j'ai vu des Russes au Vietnam, là, c'est de la déplaisance, là, mais à côté. Là, genre, aucun savoir-vivre. Ils dépassent tout le monde. Ils se crissent de tout le monde. C'est vraiment déplaisant. C'est chez eux. Ouais, mais eux autres, c'est leur sud. C'est leur sud, eux autres. Là. C'est leur Ils c'est leur voyagent Cancun. Là-bas, eux autres. Mm-hmm. Fait que c'est comme nous autres dans le habitués, sud. Là. Ouais, c'est leur Cancun. C'est là. Comme si nous autres, on a des Québécois en Floride, eux autres, ils vont là. Ou même... Genre. Ouais. Parce que... Ben, plus des Québécois au Mexique ou en Cuba. Ouais, là, ouais, ou... ouais pareil. Hein. Ils doivent être quand même, je sais pas, sont plus. Ben, ils doivent être quand même considérés plus riches, les Russes, qu'au Vietnam. Là. Un peu ben comme oui. Nous autres, là, c'est ben ça. Oui, oui. Non, c'est clair. Ah, okay, ouais, là, en situation de dominance, ouais, là, comme ouais, puis de pouvoir, parce qu'on a plus d'argent. Leur monnaie doit valoir ouais. Plus qu'au Vietnam. Dans cette ville-là, je veux dire. Les menus puis les affiches sont traduits en russe. Ouais. Il y a des restos qui s'écrivent en russe, c'est comme ça perd tout de son charme. Là. C'est une des villes qui était super cool, la ville, parce qu'il y a bien des parties, puis bien des touristes, la plage était super belle. Mais ça perdait un petit peu de son cachet t'sais, du Vietnam. Mais juste à côté de cette plage-là, il y a une île qui s'appelle Vin Pearl. C'est. Il y a un téléphérique qui. Excuse! Ouais, okay, il y a un téléphérique qui rejoint ouais. L'île à la ville de la Trang. Ça prend comme 10 minutes pour transférer. Ça coûte 20$. Tu t'en vas sur l'île. Puis c'est un parc aquatique puis un parc d'attractions. Ah oh, ouais, sur une île? Sur une île, ouais. Wow. Ça s'appelle Vin Pearl. Puis t'as comme un gros signe, comme à Hollywood, là, le signe Hollywood. Ouais. Là, c'est écrit Vin Pearl. Puis on est allé là. Puis tu payes 20$. T'as la journée là. Puis il n'y a pas un chat. Il n'y a personne, c'est tellement pas assez populaire parce que le Vietnam commence à être populaire. Fait qu'il n'y a pas un mot de chat là. On a fait des glissades d'eau en boucle. Ah ouais. On les faisait là. On a fait un manège. On était deux dans tout le manège. Ouais. Ouais, ouais. On fait le manège. Gros, ou... Ouais, c'était moyen. Là. Mettons, tu l'air sécuritaire ou. Ouais, tu te fais confiance à la vie là. Mais... Ah, mais c'est une bonne façon de voir les choses. Mais on l'a fait. Tu sais, mettons, c'est l'équivalent du. Genre, mettons le super manège, mais pas de boucle. Ok. C'est pas bien gros, là. Ouais. Ça va un peu le pire. Ouais. C'est super, tu sais, on était. Ah, mais t'étais au Vietnam, tu t'attends pas à faire des manèges, non, là. Tu non, tu veux pas faire de boucle, anyway. Non. T'as pas de ceinture là-bas. Ouais, c'est ça. On le fait une fois, on arrête, on regarde le gars, on fait comme. Ah, ouais, encore. On fait comme, bon, ça va le faire, let's go. On le fait ça en boucle. Puis, non, ça c'était écœurant, celle-là. Puis, en plus, il y a un. Quand c'est le soir, puis il fait trop froid pour faire des manèges, pas trop froid, mais quand il n'y a plus de soleil, il y a des indoor games, c'est des arcades, mais illimitées. Tu n'as pas besoin de payer pour les arcades. Il y a des petits viettes qui viennent te remplir la machine de coins. Ah ouais? Ouais. Là, tu joues genre. Fait que j'ai fini, genre, Time Crisis 4. Genre, je l'ai fini du début à la fin. J'étais de même, tu sais, avec mon gun, tu sais, tous les enfants voulaient jouer. J'étais comme, non, on veut le finir! J'ai fini le couple de jeu. Là. C'est wow. Carrément, tu payes pas une maudite tente des manèges. Là. C'est fou, des arcades, c'est malade. Wow, c'est bien fou ça. Ouais, c'est ça. Je vais aller juste pour ces enfants-là. Je les ai kickés dans la face. Alors, on change de destination. On passe du Vietnam au Laos maintenant. Attendez, j'ai chaud. Ouais, tu peux enlever ton chandail maintenant avec ton petit bronzage. Là. Bon, Alexandre qui est rendu en bédaine, ça y est. Oh. Tu enlèves mes pantalons? Ben là, ça dépend de ce que t'as en dessous. Je vais le ouais. As-tu les résultats du sondage? Quel sondage? De ceux qui portent à gauche. On dit que 75% du monde s'en calisse. Non. Allons-y. On y va. To the go. Le mot du jour. C'est con. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, le Laos, parle-moi-en. Moi, c'est un pays que je connais pas bien, le Laos. Hein. C'est le pays le moins populeux d'Asie du Sud-Est. Ok. C'est des petits villages. On parle de la Thaïlande. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le Laos? T'as-tu vu des beaux paysages là? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Il y a à faire autre même à ça. C'est pas assez petit. Non, mais il n'y a pas beaucoup. C'est moins populaire parce qu'il y a tellement de montagnes là-bas. C'est un pays qui a juste des montagnes, mais à perte de vue. Là. C'est puis, écœurant, par exemple. Ouais, il y a une route au Laos, puis c'est une route qui fait tout le pays. Puis si t'es en flanc de montagne, puis il y a des cliffs d'un bord puis de l'autre, là, c'est comme super dangereux. Mais non, c'est beau. C'est, s'il y avait de la neige là-bas, là, ça serait un paradis du snow puis du ski. Hein. Ah ouais. Mais il fait super chaud. Fait que, mais c'est carré. Hein. Sinon, il y a une ville en particulier au Laos qui est digne de mention. Si vous êtes fan de débauche et. Ça s'appelle Vang Vien. Vang Vien. Vang Vien, c'est au centre du Laos. C'est réputé pour l'attraction pour le tubing. Ouais, ok. Ah, c'est là que t'as fait paniquer notre mère. Hein? Oui. Ben, en fait, parce qu'il y avait des descentes en tube dans l'eau, puis de l'alcool mélangé avec ça. Fait que... Ouais, mais en fait, le tubing, c'est. Je sais pas trop, là. Mais on y va nous expliquer. Pour faire une histoire simple, là, c'est du bar hopping. Genre, il y a comme 6-7 bars sur une rivière, sur le côté de la rivière. Puis tu vas dans un bar avec ton tube, tu sais, un tube pour aller sur l'eau. Puis tu vas dans le bar, tu bois un peu, tu fais la fête. Tu t'en vas à l'autre bar, tu prends ton tube, tu t'en vas sur l'eau, tu arrêtes à l'autre bar. Tu bois un bar ou... Ça dépend. Il y en a qui sont du même bar. Là, qui sont... Ben, ok, mais le bar est pas dans l'eau. Là. Non, il est pas dans l'eau. Ça serait hot, tu as un bar quand t'es dans l'eau, dans des tubes, tout le monde, hey, avec une bière. Là. Il est pas dans l'eau, mais. Tu sais, si tu veux, tu peux faire tous les bars sans te mouiller. T'sais. Le tubing, c'est comme une grosse excuse pour se péter à la face. C'est ça. Là. Puis. Comment je comprends pas ce que tu veux dire. Ah, tu pourrais les faire sans aller dans l'eau. Oui. Tu vas marcher d'un bord à l'autre. Je suis allé deux fois. La première fois, on a pris le tube. On s'est dit, on est au tubing. On va le faire pour vrai. T'sais. On l'a fait. Puis on est allé. Deux jours après, on est retourné. Puis on n'a pas pris le tube parce qu'on connaissait la game. On est allé au premier bord. On a marché. On est allé au deuxième bord. On a marché. On a pris un petit pont pour aller au troisième bord. Puis. Ça coûte-tu quelque chose faire le tubing? C'est-tu un arnaque justement comme de te faire aller? C'est une attraction? Oui, c'est une grosse. C'est l'attrait touristique. Fait que les gens qui habitent là-bas, ils en profitent, là, c'est normal. Ouais, ouais. Les chauffeurs de tuk-tuk, parce que c'est à 15 minutes de la ville. Fait que t'as besoin d'un tuk-tuk. Il n'y a pas personne qui habite là qui fait le tubing. Non, non. Non, ils ont pas. Ils marchent pour aller au bar, là, au pire. Ouais, mais. Ils vont pas au bar, là. Parce que ça marche pas le soir. Parce que c'est. C'est le jour. Parce que c'est. Si t'as besoin du soleil, parce qu'il n'y a pas de lumière, puis c'est sur l'eau et c'est dangereux. Mais il y a à peu près une personne par mois qui meurt dans le tubing. Ah, c'est. C'est le fun. Puis, je l'ai fait deux fois. La première fois, il y a quelqu'un qui a eu une commotion cérébrale. Puis la deuxième fois, il y a quelqu'un qui a eu une fracture de la mâchoire qui était obligé de retourner dans son pays se faire opérer. Parce qu'il était trop chaud. Hein. Ouais, mais c'est ça. Le monde. C'est l'affaire, c'est que le niveau de l'eau varie pendant l'année, selon la période de l'année. Puis là, quand on était là, c'est la période sèche, fait que l'eau était vraiment basse. Puis il y a des roches qui sortent de l'eau. Ok, ouais. Si, et puis t'as plein, tu sais, de bord en bord, t'as des attraits festifs, là, tu peux te pitcher avec une corde à Tarzan dans l'eau, avec un zipline, t'as pas de même. Mais tu sais, si tu fais pas attention, tu tombes pas à la bonne place ou. Tu peux te la péter. Tu peux tomber sur des roches, ok, tu ouais. Tu peux te péter à la tête une roche. Puis c'est ça qu'il y a du monde qui meurt à chaque année. À chaque année, à chaque mois. À chaque mois, il y a une personne qui meurt. C'est une grosse moyenne, là. C'est une belle réaction que tu peux aller. 12 là. Morts par année touristique, la plupart probablement. Hein, oh oui, c'est juste des touristes. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Parce que le monde est tellement. Juste pour une attraction, là. Le monde devient des vidanges, là. Parce qu'ils donnent l'alcool là-bas. Ah, puis il y en a qui tolèrent pas leur alcool comme du monde. Ah, ouais, je vous ai dit. Ça vaut rien, ça coûte rien. Ils la donnent. À Vang Vien, si tu peux être chaud, raide, pour rien. Gratis. Le jour, parce que le tubing, tu fais ça le jour, fait qu'à peu près à 1h, 2h. Tu commences ça, puis à chaque bar que tu vas, ils te donnent au moins un shooter de whisky gratuit. Mais c'est du whisky laotien extrêmement cheap. Puis il fait les pires lendemains de veille au monde. Sérieusement, c'est. De l'alcool cheap frelaté. Ah ouais, c'est dégueulasse. Wow. Ça, puis le whisky thaïlandais, là, c'est deux alcools horribles. Ceux qui s'occupent du nightlife ou des parties là-bas à Vang Vien, c'est tous des Occidentaux. C'est géré par des Occidentaux à côté. Fait que l'alcool, tu sais, les autres. Il y a paye, puis ça en sac, là, ça coûte rien. Ouais, c'est l'attraction, ça. Dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est ça paye pour le tubing. Viens te péter à faire dans le tubing. C'est ça qui attire tout le monde là, à Vang Vien. Puis, tu sais, le jour, puis même la bière, là, il te donne. J'arrive au bar, j'ai demandé, ah, tu me donnes-tu une bière là? Parce que des fois, il y a des spéciales. Puis, il n'y avait pas de spécial. Puis, tu peux me donner une petite bière? Et, ah, non, je peux pas faire ça. Là. Je dis, ah, s'il te plaît, là, donne-moi en une. Oh, ok, c'est bon, il m'en donne une. Tu sais, je paye rien, là. Puis le soir, il y a comme 4 bars qui marchent. Puis comment c'est fait, c'est des buckets qui vendent. C'est des petits. Tu sais, quand t'es petit, tu fais des châteaux de sable. Là. Ouais. Un petit pot, là. Mais c'est ça, c'est des buckets d'alcool. Là. Ça, ils vendent ça là-bas. c'est ça que tu bois. L'alcool est dedans, ça? Ouais. Ah ouais? C'est comme... comme des gros verres en esti, là. Ouais, là. C'est des sacrés gros verres. Fait que... On a pas fait de château de sorbet avec, j'espère. Non, non. Château de... Granuleux, des châteaux de whisky. Intéressant. Fait que dans un bar, il y a un happy hour. Fait que de 8 à 9, t'as un bucket gratuit. Puis le bucket gratuit, c'est genre 3 quarts whisky, puis un quart coke, puis 2-3 Red Bull dedans. Puis de 9 à 10 dans un autre bar, c'est happy hour, t'as un autre bucket gratuit. Puis de 10 à 11 dans un autre bar, t'as un autre bucket gratuit. Fait que tu peux faire ta soirée complètement chaud. Hein. Tu peux pas payer une scène. Puis dans les bars, au Laos, tu peux arriver, mais t'arrives, puis ils te donnent un menu d'alcool. Puis si tu flippes le menu, t'as un menu de drogue. Fait que tu peux avoir. Wow. Puis ils te proposent ça, tu sais. Tu peux avoir un sac de weed, tu peux avoir un bat, tu peux avoir un shake de moche. Tu peux avoir juste. Un shake de moche! Tu peux avoir un bat d'opium, un paquet d'opium, un thé à l'opium. Un thé! Voyons donc! Oui, puis ça coûte pas grand chose, là. C'est genre même pas 10$ pour tout. Là, c'est complètement. C'est fou. Wow. Thé à l'opium, JF? Ouais, c'est ça. Quand est-ce qu'on s'en va là? Trader le thé à l'opium pour le thé à menthe. C'est ça que tu m'as ramené du thé à l'opium? J'avais peur aux lignes. Mais ben, il est louche un peu. C'est comme, il m'a ramené du thé d'un. C'était en Thaïlande, je pense. Un supermarket, genre en Thaïlande. Il y en a un, c'est du thé vert au jasmin. Il est legit, il a l'air correct. L'autre, c'est comme du thé en fleurs, avec des petites fleurs un petit peu bizarres. C'est là, du blueberry. Ouais, je sais pas trop. Là, blueberry tea. Mon père, il a dit, tu sais. Google it. Il dit, bois ça chez vous, là, à l'abri, puis dans ton divan, parce que tu sais pas ce que ça va te faire. Juste en cas, je boirai pas ça au bureau. Là. Un digestif, ouais. Ah, blueberry. Ben donc, le Laos, c'est vide, le débauche là-bas, Van Vienne. Quoi, sur Van Vienne, j'ai resté 5 jours, puis c'était assez. Je suis tombé malade après pendant 4 jours. Ah, ben coudonc. C'est sûrement parce que c'était fait merde par un poisson. Oui, probablement. Pendant que t'étais. C'est-tu là-bas que tu t'es fait merde par un poisson? Non, c'était dans le sud de la Thaïlande, à Koh Phi. Oh. Koh Phi. Quel beau nom. C'est-tu là que t'es arrivé en premier, à Koh Phi? En Thaïlande, non. J'ai fait Chiang Mai, dans le nord. Dans le nord de la Thaïlande. Après ça, je suis allé à Phuket, qui était bourré de Russes. Ah, ok, resté... là et tout, ils vont bien. Je suis resté une journée. Ok, parce qu'il était déplaisant là et tout. Ah, oui, c'est eux autres, c'est les rois de la ville. Ah, ok. C'est dégueulasse. Ils pourraient l'acheter. Non, ah, oui. Après ça, j'étais à la Koh Phi. Je suis resté une journée parce que c'est. La plage est pas belle, c'est super touristique. C'est trop. C'est trop. Ah, c'est trop. Trop touristique. Donc, le mot-clé, Koh Phi. Mais c'est trop touristique dans quel sens? Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Est trop touristique ou c'est. Non, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est minuscule, comme il. Mais c'est pas sous des Russes qui vont là et tout? Non. Non, non, c'est juste du monde. C'est des jeunes qui sont. Comme. Qui veulent juste se déchirer la face. Okay. Solidement. Ok, ouais. Souvent, les parties, c'est pas, tu sais. Parce que, tu sais, une fois de temps en temps, c'est le fun de se péter la face. Puis une fois de temps en temps, c'est le fun de prendre ça tranquille, prendre une bière dans un bar. Puis, ouais. Mais ça se peut pas. À quoi là-bas? Tu peux pas prendre une bière tranquille. Ok, c'est gros party sale tout le temps. C'est gros rave dégueulasse où tu vas te coucher. Mais même si tu vas te coucher, t'entends comme le boum boum. Puis. Ah, yeah. Ouais, ok. Fait que, on est resté une journée parce que. T'es comme pas dans le mood, puis l'ambiance de l'île était pas super cool. Puis c'était plus cher que tout. C'est le plus cher en Thaïlande qu'on a vu, parce que c'est super touristique. Il en profite, ouais. Après ça, j'étais allé à Koh Lanta, je suis resté pendant 15 jours là. Ça, c'était cool. Une belle île. Koh Lanta. On est resté 15 jours, on s'est mis chum avec ceux qui s'occupaient du resort. C'est un petit resort avec des bungalows, là, c'était cool. Ah, mais c'est ça, justement. Toi, t'as voyagé avec ton backpack pendant 2 mois et demi. Comment c'était de rester? Qu'est-ce que ça avait de l'air, les habitations que t'avais par rapport au prix que tu payais, mettons? Ça dépend de place en place. Là. Tu peux tomber sur quelque chose de vraiment beau pour pas cher. Tu peux tomber sur quelque chose de vraiment crasse pour pas cher non plus. Parce que, dans le fond, tu payes pas cher, mais tu sais pas ce que t'as. C'est ça, exactement. Au Vietnam, le moins cher que j'ai payé, c'est 4 piastres la nuit pour une chambre. C'est des guest house. C'est comme des chambres d'hôtel cheap. Puis... au Vietnam, c'était relativement propre. Là. On n'avait pas la grosse classe, mais c'était correct. 4-5$ la nuit. 4-5$ la nuit. Au Laos aussi, c'était peut-être un petit peu plus cher. Là. Peut-être 6-7$. Puis en Thaïlande, là, c'est plus cher. Là. Ça tombe à 10$ la nuit. Puis tu peux trouver. En Thaïlande, tu peux trouver des affaires dans ta chambre. Là. On a vu. J'ai eu des lézards dans ma chambre, des coquerelles, des vers, une sorte d'affaires. Là. Ah, c'est intéressant quand tu dors. Puis tu bon, les lézards sont là pour manger les vers. Puis. Ouais. Les coquerelles sont là pour manger les lézards. Ça dépend de la grosseur du lézard. Là. J'en ai vu un qui était gros comme un chat. Boy. J'ai vu des rats. J'espère qu'il était pas dans ta chambre, ça. Ah, ouais, t'as vu des rats. Ouais, j'ai eu beaucoup de rats. Pas dans ta chambre non plus. Des rats, non, pas dans ma chambre. Non, mais le gros lézard, oui, par exemple, je pense. Ouais, j'ai un gros lézard, il était pas gros comme un chat, là, mais c'était un bon size de lézard. Là. Il était comme dans ma salle de bain, il chillait dans la vitre. Il était comme entre le moustiquaire et la vitre. En dedans ou? En dedans. Oh. Fait que si tu ouvrais la vitre, lui, il pouvait rentrer. Ben, c'était enlevé le moustiquaire parce que t'avais comme, c'est dur à illustrer au micro, là, mais le moustiquaire. Puis c'est pas vraiment une fenêtre, c'est comme. Ah, c'est comme modelé dans le béton. C'est comme des. Comme un treillis, okay, mais en ouais. béton. Okay. Fait que c'est, ta fenêtre, tu peux pas fermer. Là. S'il pleut puis il plante dedans, ben tout bad. Okay. Mais ça arrive pas. Là. Fait qu'il était comme entre la fenêtre puis le moustiquaire. Mais il était en dedans. Il était bien, lui. Là. Il était bien. Chris. Il nous regardait prendre notre douche. Là. Oh. C'est un petit vibeur. Des lézards voyants. Des lézards cochons. Reste. Ouais. Ouais. Mais là, donc on disait ça, là, le Laos, la Thaïlande, puis c'est-tu les seules places que t'as faites? Ouais. La bouffe, c'était comment? Au Vietnam, c'est super bon. Tout le monde le sait que la bouffe vietnamienne, c'est vraiment bon. Puis là-bas, c'est encore meilleur qu'ici. Au Laos, c'est dégueulasse. Ah ouais, tant que ça. Mais c'est parce que le monde là-bas, le commerce d'opium est vraiment très développé au Laos. Puis le triangle d'or, c'est le commerce de l'opium, c'est là que ça se passe. Puis on dirait que le monde sont tout le temps basés sur l'opium. Fait qu'ils mangent pas. Ils mangent du pain. On dirait que la bouffe est comme. Ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils mangent. Ils sont trop séquelles. Quand tu parles de l'opium, tu manges du pain, puis un petit peu d'eau, là. Ben, tu sais, ils prenaient notre commande, puis ils nous regardaient, là, puis ils étaient basés raides, puis ils venaient nous voir parce qu'ils avaient oublié notre commande, puis ils savaient plus trop ce qu'ils faisaient. C'était perturbant un peu, ça. Aïe aïe! Mais en Thaïlande, c'était bon, sauf que tu t'annes vite. Là. Tu sais, des pâtes de taille, c'est bien bon, là, mais là, après 400 pâtes de taille que tu manges, là, t'es comme, ok, c'est bon, j'ai compris. Là. Mais quoi, y a-tu juste ça à manger? Non, le pâtes de taille, c'est le moins cher. Okay, ouais. De loin. C'est parce comme le repas facile là-bas. Ouais, c'est comme le fast food. Ça coûte pas grand-chose à produire, en plus, pâtes de taille. Ouais, le riz frit est bon aussi. C'est pas mal ça. Mes journées, c'était pas mal ça. Je me levais, je prenais une petite soupe. Je suis avec un riz frit puis je suis avec un pâte de terre. Tu déjeunais avec une petite soupe? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je variais des fois le riz avec le pâte de terre. Des fois, je dînais avec un pâte de terre. Puis... Mais t'as rien goûté d'autre? Non, j'ai essayé une coupe d'affaires, mais tu sais, c'est parce que ça, j'ai été limité dans mon budget. Fait que ça, c'était ça, c'est abordable. Ça. Ouais, parce que tu sais, pour 2$ de plus, t'avais comme un repas comme plus fancy, là, genre du porc avec des légumes puis du riz. Mais okay, ouais, ouais. Mais tu sais, ça revient tout le temps la même chose. Là. T'as tout le temps du riz puis tout le temps. Mais c'est bon, mais. C'est bon un mot, là. C'est comme, okay, c'est bon. Ok, on passe à d'autres choses. J'aimerais une poutine. Bon, mais d'ailleurs, t'as vu le restaurant de poutine à Bruno Blanchet, mais... Ouais, à Bangkok. C'était fermé. C'est fermé pour la fête de la nouvelle année bouddhiste. Oh. Malheureusement, mais... Fait que t'as pas pu y aller. J'étais allé devant, j'ai pris une photo des drapeaux du Québec, puis le drapeau du Canadien, puis... T'as pleuré un petit peu après ça. Ah, j'étais désemparé, je me suis couché dans la rue. Puis, puis je me suis fait arroser par des gonnaos parce que c'était la fête de l'eau. Parce que la nouvelle année bouddhiste là-bas, ils s'arrosent avec des gonnaos dans la rue comme des malades. Ah, c'est ça qu'ils font? Ouais. Ah, ben. Si vous voulez voir, ça ressemble à quoi, tapez sur YouTube Songkran, c'est Songkran. Puis là, écrivez, mettons, 2012. Puis ça ressemble. C'est l'affaire que t'avais de la peinture partout. Non, ça c'est le. C'est le Full Moon Party. Full Moon, moi, c'est vrai ça. Mais j'avais. Ils étaient genre de la glaise blanche en face au Songkran à la nouvelle année. Waouh! De la glaise blanche? Pourquoi? Parce que c'est le fun? Je sais pas aussi, je l'ai jamais compris. Je sais que la tradition de s'arroser c'était comme pour se libérer les malchances puis de l'année précédente, partir de l'année du bon pied. José. Fait que pour terminer ton voyage, il y a deux anecdotes que j'aimerais ça que tu racontes. Premièrement, le Full Moon Party puis après ça, ton. T'es allé voir Titanic en 3D, je pense, mais ça, on le garde pour après. On va juste que tu nous parles un peu du Full Moon Party. Là, tu nous intrigues déjà, là. Ouais, mais on regarde ça pour plus tard. T'es allé voir Titanic en 3D ou en Thaïlande? Ouais, à Bangkok. OK, attends un peu. On commence par ça ou on commence par le... Alors, on va commencer par le Full Moon. Hey, on vous tient en Alain. Ouais, public. Restez là. Le Full Moon Party, probablement tout le monde connaît ça. Là. Ben, la plupart des gens connaissent ça. C'est le plus gros party mondial. Ça se passe à une fois par mois. C'est à chaque pleine lune, comme le nom le dit. Ok. Puis c'est à Koh Phangan, dans le sud de la Thaïlande. Il doit y avoir plein de touristes là. C'est en gros là, c'est 20 000 personnes sur la plage qui font le party toute la nuit comme des malades mentales. 20 000 personnes. C'est 20 000 personnes. C'est ça gros, peut varier entre mettons 15 000 puis 30 000 personnes à la nouvelle année. Là. Ouais ouais. Puis c'est ridicule. C'est complètement ridicule. T'sais, tout le monde se met de la peinture fluo sous les autres. Tout le monde est vidange. Tout le monde prend des boquettes à côté. T'sais, c'est comme. T'enlignes les boquettes tout le monde est chaud. Les mêmes petits boquettes que tu me parlais tantôt. Hein. Oh, les boquettes. Ben, petits boquettes. C'est quand même des relativement bons. T'as un bon boquette. Tu fais des châteaux de sable, t'as un bon boquette. Puis, alors, le monde, tout le monde est chaud, mais les putes, c'est dégueulasse. C'est effrayant. Là. Whatever the fuck that means. Ouais, c'est ça. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Puis ça, il y a un gros insigne en feu sur la plage. C'est, ouais, ça ouais. Se passe sur la plage, le party, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout le monde est sur la plage. En maillot, en bidon, en gogoon. Même pas en gogoon parce que t'es sûr que t'es père. Là. Mais, puis c'est ça. Il allume un gros signe Full Moon Party. C'est comme un party qui commence à 10h puis ça va jusqu'à 11h le lendemain matin, je pense. Il y a un DJ encore à 11h le matin. C'est comme un rave. Ouais, c'est comme un gros rave. Gros rave sur la plage. Puis tu sais, t'as des grosse pluie dans le tapis. Ouais, t'as des pre-Full Moon Party. T'as des post-Full Moon Party. C'est quoi la musique? T'as des Half Moon Party. T'as des Black Moon Party. T'as comme, c'était là, c'est dégueulasse. T'as des parties à chaque. Il y a une occasion pour toi. Il y en a pas juste un à chaque mois, là. Ouais, mais le Full Moon Party, c'est. C'est à chaque mois, mais il trouve des excuses pour m'en faire d'autres. Ouais, mais il n'y a jamais autant de monde que le Full Moon Party, tu sais. Puis c'était quoi le genre de musique? Ça dépend, parce qu'il y avait plein de bars. Il y a un bar que c'était du gros électro sale. Il y a des bars que c'était comme plus pop, genre. Tu sais, qu'on peut entendre dans nos clubs ici. Ah, radio, ouais. T'as des places c'est plus house, t'as des places que c'est plus rock. Mais tu y trouves ton compte. Hein. Wow. Mais c'est ça, avant de parler de son anecdote du Titanic 3D. Tu nous ramènes le Titanic. Là. Non, mais j'ai quelque chose encore qui me dit qu'il faut qu'il parle absolument. T'as pogné quelque chose à la télévision dans une de tes chambres d'hôtel. Faut que t'en parles, je pense. Ouais, j'ai pogné ça trois fois dans mes chambres. Trois ou quatre fois. À TV5, je pense. À TV5, j'avais... parce que quand on avait la chance d'avoir le câble, on pouvait regarder les émissions. Puis TV5, c'est le seul poste en français. Parce que sur les 15 postes, il y a 13 postes en thaïlandais ou en vietnamien. Un poste en anglais, puis un poste en français. Puis deux, trois fois, j'ai eu la chance de pogner La Petite Vie. Donc, wow! C'est fou, La TV5. Vie. Ouais. Fait que j'ai regardé La Petite Vie. Wow, c'est meilleur, ça. C'était carré, hein, ça. La Petite Vie en Thaïlande. Tu t'attends pas à pogner La Petite Vie en Thaïlande, là. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais, fait que. C'était pareil. Tu sentais-tu comme à la maison? Non! Non, pas tellement! Fait que, bon, ben on va. Parce que je mangeais des pâtes de taille! Fait que, on va y aller avec l'anecdote. L'anecdote, le Titanic 3D. Fait que. Non, mais t'es. Probablement, t'étais où, puis qu'est-ce que t'as pensé? Pourquoi t'es allé voir le Titanic? Juste pourquoi? Parce que c'était la dernière journée avant que je parte. Je partais dans la nuit du 16, entre le 15 et le 16 avril. Puis c'était pendant Songkran. Puis pendant Songkran, tu peux pas sortir dehors et pas te faire mouiller. Okay. Si tu sors dehors, t'es mouillé à la bête, c'est sûr et certain. Tout le monde, ils sont fous. Là, c'est sûr qu'ils courent après et ils t'arrosent. Les autres, ils se disent pas « Ah, il y a un sac à dos, il s'en va à l'aéroport, il va prendre l'avion pendant 30 heures. » Ils se disent pas ça. Là. Ils disent « Ah, il est sec, faut le mouiller. » Pendant la dernière journée, on avait plus de chambre d'hôtel, fait qu'il fallait se trouver de quoi faire pour pas être mouillé puis pour passer la journée. Fait qu'on a dit, bon, on peut aller au centre d'achat. On est allé au centre d'achat parce qu'en dedans, ils ne mouillent pas en dedans. Ils sont pas si épais. Puis on est tombé devant le cinéma, on a regardé, bon, on peut aller voir un film. Puis il y avait Titanic 3D. Puis il y avait pas mal rien que ça. T'sais. Le reste, c'était tout de la merde. Puis c'était en thaïlandais. En fait, bon, ok, on va aller écouter Titanic 3D. Le film est long en plus, ça va passer du temps. Ah ouais, donc Titanic 3D. Là, on s'installe, on achète un petit popcorn, là, on s'en va, on s'installe. Puis là, C'était-tu sous-titré? C'était-tu traduit? C'était en anglais, sous-titré en thaïlandais. Au moins, tu peux comprendre, c'est pas pire. Ouais. Puis là, bon, on s'installe, on s'assoit dans notre chaise, on mange le popcorn. Puis là, les previews commencent. Là, on regarde ça, tout est beau. Là, entre les previews puis le film, là il y a un gros arrêt. Puis là il monte à l'écran, ça dit bon levez-vous en l'honneur du roi de la Thaïlande parce que c'est une monarchie là-bas, puis il y a un roi, puis il y a une princesse, puis c'est tout ça. Puis là on se regarde, hein, on va se lever. Puis là tu sais moi je me lève puis j'ai un petit fou rire, je me dis bon c'est drôle. Puis... Et là vous êtes On est pas mal les deux seuls blancs. Il y avait-tu beaucoup de monde dans la place ou c'était... Ouais, peut-être une vingtaine de personnes. Ok, tout le monde se lève, tout le monde est sérieux comme des papes. Ouais, tout le monde se lève, puis tout le monde, tu sais, c'est en l'honneur du roi, c'est pas des jokes, là, tu sais, on c'est en l'honneur du roi. Là, tout le monde se lève, puis là, moi, je la trouve bonne, tu sais, je trouve ça drôle, c'est cocasse comme situation. Puis là, il y a une grosse musique patriotique, là, puis là, des images du roi, puis là, c'est la... furie, là, puis là, tout le monde est comme, tout le monde est, regarde, puis ils ont quasiment les yeux dans l'eau, parce que c'est comme, c'est le roi, puis là, tout ça, waouh, waouh, waouh. Puis là, moi, je trouve ça drôle, mais tu sais, je veux pas rire, parce que c'est chiant pour eux autres, parce que eux autres, tu sais, c'est sacré pour eux autres. C'est même qu'eux autres, ils vivent. Je regarde mon chum, il est crampé, il plie en deux, mais il essaie de pas rire. Et là, moi, je suis ricaneux de nature, je le regarde, là, je pars à rire, je fais, fuck, là. Là, les deux, on est crampés, on essaie de pas rire, on se regarde pas, on est couché à terre. Finalement, tu sais, c'était tellement ridicule. Là. Les gens qui se lèvent pour le roi, voyons donc, on n'est pas en 1250. 1250 au cinéma, je me demande qu'est-ce qu'ils jouaient dans ce temps-là. C'est ça. Wow, fait que c'est fou, ça, par exemple. T'as assez intense. C'est-tu bon? Oui. Ouais, c'était bon. Ouais. Le 3D est bien fait. Ah, ben, moi, le 3D. Non, moi non plus, le 3D. Tu sais, c'est bien beau les deux premières minutes, mais après ça, je le vois plus. Ça sert pas grand-chose, souvent. C'est overrated, le 3D. Là. C'est ça, le 3D que j'ai vu, que j'ai trouvé intéressant à date, c'est dans un genre affaire IMAX. Là, comme, ouais, ben ça, c'est le fun. Avatar, le Benny. Ouais, c'est bien fait, Avatar. Je l'ai même pas vu en 3D, moi. Je suis probablement le seul être vivant sur cette planète à pas avoir vu Avatar au cinéma en 3D. Ben oui. Ben... Ça met donc fin à ce segment sur le voyage en Asie d'Alex. C'était bien plaisant. Ouais. José. Donc là, on va parler de voyages que tout le monde a fait. Dave, ben Alexandre, tu les as fait ces voyages-là parce qu'il y en a un que tu as fait avec nous autres. Pis, ben, de toute façon, probablement beaucoup de monde qui nous... C'est des voyages plus classiques. Qui des voyages... En fait, on va comparer deux types de voyages un peu. On va parler plus des voyages dans le sud, comme le Mexique ou Cuba, avec un voyage qu'on dans a fait... Dans le fret. Un voyage dans l'ouest canadien, à Banff, mettons, en hiver. C'est vraiment deux... Si tu vas pas chercher la même affaire. Là. Non, mais c'est ça, c'est vraiment deux dynamiques différentes. Dans l'ouest, tu vas là pour l'aventure, tu vas pas là pour te reposer. Ben, tu vas là pour te reposer aussi. Ben oui, parce que d'aller faire du snow, c'est quand même de te reposer d'une façon. Tu décroches en snow. Ça demande beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ton... Tu travailles pas, t'es pas stressé. T'es juste... Non, tu vas te décrocher, mais tu vas pas là pour te reposer. Mais quoi, nuance, mais moi je te dirais que je suis plus bien plus voyage dans l'ouest que voyage dans le sud, parce que rester sur la plage, moi après 10 minutes je suis tanné d'être couché sur une chaise longue. Ben, moi j'aime ça aller dans le sud, mais il faut que je fasse des activités, puis moi honnêtement je comprends pas, je veux dire, c'est pas mon goût à moi, mais le monde qui va dans le sud plus qu'une semaine, je sais pas comment ils font, ça doit tellement être long à aller. Moi je trouve qu'après une semaine t'as fait le tour. Une semaine là, aller dans le sud là, puis tu fais une couple d'activités là, comme mettons tu vas à Cuba, on a fait genre un safari en jeep avec des bateaux. Là. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. On est allé dans un catamaran, je t'en. Nous aussi, on a fait ça. Avec la plongée. Avec des dauphins. Ça, c'est le fun. Mais tu sais, rester une semaine de plage, après ça, je pense que t'as le goût d'en venir chier. T'es à côté, là. T'sais. C'est assez, là. Il y a la bouffe aussi, là, c'est un gros facteur. La bouffe. Surtout à Cuba. Ça a l'air que ces îles, les petites îles à Cuba, quand tu vas dans des îles plus fermées, là. Ça a l'air que la bouffe est meilleure. Mais tu sais, à Cuba, je te dirais que le meilleur repas qu'on a mangé, ça a été quand on est allé faire le genre de safari, justement, en jeep puis en bateau. Dans un ranch, ils nous ont fait, je me souviens plus quoi. Du porc braisé devant nous autres. Là. Tu manges à la carte là-bas. Tu peux pas manger dans les buffets, c'est dégueulasse. C'est ça. Non, c'est ça, c'est pas quand bon. Quand tu manges à la carte, moi, j'avais mangé langoustine puis un cœur de bœuf. C'était cœur. Un cœur de bœuf. On avait mangé du filet mignon. Mais quand on avait été aussi faire le catamaran, on est arrivé sur une île pour nous manger une langoustine qui avait été pêchée de la journée, je pense. Puis c'était quand même super bon. Ouais, c'est des îles de même tout en frais. Moi, en Asie, je mangeais du squid, là, des calmars. Des calmars, là, j'en mangeais à tous les jours. Là. Puis ça coûte rien. C'est ça, bon, coûte, ouais, ça coûte autant que le poulet. Tu sais, t'as le choix entre un calmar puis un. Un vieux poulet que tu manges à tous les jours. Tu prends le calmar, là. Il t'a pas fait manger la tête du poulet. J'ai fait le plein d'oméga 3. Oh. Des poissons. De l'énergie. Des poissons, voilà. Wow, ben c'est ça, moi. Puis dans l'Ouest, ben, c'est parce que fan de snow oblige là, d'être à Sunshine dans les montagnes, dans les rocheuses. C'est juste incroyable, moi, je trouve. Ouais, quel sentiment. Grosse poudreuse. Mais quand t'es au top, tu regardes ça. Puis tu vois juste des montagnes à perte de vue, là. C'est vraiment impressionnant. C'est un autre mood que... Aimez-vous mieux le paysage de la plage, l'eau à perte de vue ou des montagnes à perte de vue? Moi, les montagnes, ça m'impressionne. Moi aussi. Je trouve que les montagnes, c'est plus impressionnant. C'est beau, l'eau, puis tout le kit, là, mettons, un beau coucher de soleil là, sur le bord de l'eau. Ouais. Ben juste l'eau, hein, vraiment, là, vraiment bleu et carrément. Mais je sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose dans les montagnes, c'est comme puissant, on dirait. Là, ça a sorti là, de la terre. C'est massif. Montée, ouais. J'ai vu des... Dans les îles... proche de la baie d'Along, j'avais monté, j'ai fait du trekking, j'étais rendu là sur le top des montagnes, puis je voyais à perte de vue, là, puis tu voyais les nuages en dessous de toi, parce que t'es tellement haut, wow. Puis des flancs de montagne, puis des tops de montagne à perte de vue, ça c'est cœur aussi, là, c'est des affaires avec le soleil, beau coucher de soleil, c'est des trucs. C'est-tu là que c'était, t'avais une genre de plateforme montée que c'était vraiment, vraiment pas l'air d'être safe non, comme affaire? Tout rouillé. Puis tout rouillé, il y avait genre des planches en dedans. Il a montré des photos des planches en haut. Avec, il manquait des planches dans le plancher, genre, des planches complètes. Ouais, il manquait des marches, puis il manquait. Puis c'était haut. Hein. C'est croche, puis c'est rouillé, puis ça shake quand il y a du vent. C'est, ça shake quand il y a du vent. Ça doit être safe, là, ça. C'était un peu sketch, cette histoire-là, mais c'était super cool. Ah, le... oh, sûrement, mais la vue doit être impressionnante. Ça vaut à peine. Ouais, c'est ça. Je montais, j'ai tellement pas le vertige, mais là, j'avais la chienne, parce que si tu tombes, tu tombes de haut. Ouais, c'est plus la plateforme, dans le fond, qui te fout à la chienne que le vertige en tant que tel, probablement. Ouais. C'est ce qu'on dit, hein? Les voyages forment la jeunesse. D'autres phrases random de même aussi. Ouais, à place d'aller à l'école, là. Ouais. Faites des voyages. Des voyages crape la santé aussi. Hey, ça. Ouais. Les voyages. Monter les frais de scolarité. Ils veulent voyager, ces jeunes-là. Ben oui. Laissez-les aller dans le sud. Puis ils forment la jeunesse. Dans les euros, ça va les former. Un charret, là, Simonac. Come on. Aparté conclu. Oh, ben ça valait la peine. T'avais un micro, t'as le droit de le dire, là. Non, mais sérieusement, là. Parce qu'il va profiter de ça pour déclencher les élections puis avoir... Parce que moi, ce qui me dépasse, c'est qu'encore, il y a encore plus de voix que les deux autres partis. S'il y a des élections en ce moment, selon c'est lui les, qui passe. Selon lui les passe, sondages, ouais. Il va passer encore. Mais qu'est-ce que les Québécois n'ont pas compris? Calvaire! Savais-tu que j'ai vu de quoi, là? Ça a l'air que Charest, à chaque fois qu'il a fait des élections puis qu'il a passé, il faisait de la merde, vraiment de la merde. Puis juste avant les élections, ou pas longtemps avant, il faisait un petit coup, hein, puis le remontait dans... Puis là... Il remonte dans les sondages comme full pin. Là. Mais moi, ça me décolle. Il finit par passer. Il va probablement les déclencher bientôt parce que s'il attend le rapport Charbonneau à l'automne, il va se faire ouvrir complètement là, parce que la corruption, il y en a eu. Puis, tu sais, ça va l'entacher. Là, ça va entacher le parti au complet. Fait comme un porc, mon gars. S'il y a des élections déclenchées, c'est là qu'il va y faire. Surtout que là, les Québécois commencent à prendre du bord de Charest et non des étudiants. Ça me fait capoter. Là. Mais juste parce que, en tout cas, ça me fait capoter. Aparté conclu. Ben, c'est ce qui met fin à notre spécial voyage. Oui, sur une note politique. On va s'adresser maintenant à tous les fans de l'émission qui nous suivent sur notre compte Twitter. Venez nous jaser. On a également une page Facebook, donc cherchez La Jasette sur Facebook. Venez nous parler de voyage. On veut que vous réagissiez à nos propos. Avez-vous fait des voyages intéressants? Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, dans les voyages? Dans quel but voyagez-vous, chers auditeurs? Où aimez-vous voyager? Ouais, surtout, puis... Parlez-nous de voyage, venez jaser avec nous autres. De les nouveaux spots. Ouais. Puis la semaine prochaine, on va se faire un autre épisode qui va être un épisode plus régulier, dans le fond. On va être au plus moins encore David. Donc, on invite les gens à venir nous dire ce qu'ils veulent nous entendre dire. Dans le fond, hey, c'est une belle phrase, ça. Elle sera pas coupée au montage, je vais la laisser. Elle sera live. Intégrale. Mais venez nous dire, dans le fond, ce que vous voulez entendre. De quoi voulez-vous jaser et venez jaser avec nous. Venez. En grand nombre. Fait que, ben, Alexandre, merci d'être là, d'avoir été là pour ce spécial voyage. Ah, ben, ça fait plaisir. On risque d'être invité au mois d'octobre pour nos spéciaux de hockey, là, nos épisodes de hockey. Quand vous voulez. On va parler hockey. La vieille gratis, moi, j'en prends. Ben, c'est ça aussi qui va se passer. Hein. Non, mais ça m'a fait plaisir. Hein, quand vous voulez. Alors, Alexandre, qui n'est pas disponible sur les intertubes, il n'est pas live sur Twitter ou rien, donc. Juste sur Facebook. Vous le trouverez. Dérangez-moi pas! Dérangez-moi ta gueule! Fait que vous le retrouverez nulle part. Toi, David, où c'est qu'on peut retrouver sur le web? Sur Twitter. Dans les Twitter, Monsieur Miniwheat. A commercial, Monsieur. Miss... non, pas vrai. A commercial, MR. Underscore. Miniwheat. Et sur Young. Young Media, ouais. Il a Young. Yanka.ca. On vous le rappelle. Et moi, je suis disponible également sur Twitter, JF Cromp, donc JFCROMP. Également sur Google+, je pose des affaires dans le vide, là, puis... Et moi, je les regarde pas. Ouais, Google+, c'est ça qui est ça. C'est quoi, ça, Google+? C'est une affaire décevante. Je ne connais pas. C'est un genre de Facebook, mais pas Facebook, puis il n'y a pas grand monde là-dessus, fait que c'est ça qui est ça. À peu près 3 personnes, j'ai reçu des emails de 3 personnes qui updatent leur Google+, à peu près. C'est un beau fiasco. C'est le fun. Ça va bien. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut. C'est ce qui conclut. Complutons. Ça nous plaît. Allez, complutons. C'est ce qui conclut l'épisode numéro 2 de La Jasette, édition du 29 avril 2012. Mon nom est Jean-François Combe. Et moi, David Thibodeau. On vous dit à la prochaine.